Chapitre 16e, où Barbara Hare fait une confidence. Les notabilités du pays ne tardèrent pas à rendre à M. Carlyle et à Lady Isabel la visite de rigueur. Parmi les personnages les plus remarquables, les uns arrivèrent en équipage resplendissant, au siège recouvert de housse, aux portières étincelantes d'armoiries, surchargées par derrière et par devant de laquais de valets poudrés, dorés et fleuris. D'autres vinrent en voiture attelée de 4 chevaux et précédés par des estafettes courant à franc-étrier. Cette coutume de faire annoncer son arrivée par des estafettes quand il s'agit de visites de cérémonie existe encore dans certaines localités de l'Angleterre. Il est probable que l'on n'aurait pas songé à produire tant d'éclat, à faire montre d'un étalage aussi fastueux, si Carlyle ne se fût rehaussé aux yeux des habitants d'East Lynne par son mariage avec Lady Isabel. Le juge, sa femme et sa fille furent du nombre des visiteurs. Ce jour-là, ils firent usage de leur voiture d'apparat, sorte de carrosse de forme antique, dont la caisse lourde et d'une dimension disgracieuse était peinte couleur de safran. Ce véhicule, dont on ne se servait que pour les grandes occasions, était péniblement traîné par 2 chevaux bien gras, d'une douceur extrême, et dont la queue, garnie de longs crins, traînait jusqu'à terre. À l'arrivée de la famille Hare, Isabelle était en tête-à-tête avec Joyce dans son cabinet de toilette. Elle avait déjà pris cette servante en amitié, et comme la personne à laquelle elle avait écrit refusait de venir, Isabelle crut ne pouvoir mieux faire que de proposer à Joyce de lui continuer ses services. Cette proposition fut accueillie avec empressement. « Mais pensez-vous que Mademoiselle Carlyle soit disposée à se séparer de vous ? J'ai lieu de le supposer. Il y a 2 jours, elle m'a dit que si je vous convenais, vous pouviez me garder entièrement, pourvu toutefois que je lui fisse ses robes. » Ceci serait praticable, je crois, car vous n'êtes pas très exigeante, my lady. Est-ce vous aussi qui lui faites ses bonnets ? Demanda Isabelle avec une gravité comique. Oui, répondit Joyce en souriant. Mais je n'ai rien à voir à la façon. Je me borne à imiter un modèle. Si vous devenez ma femme de chambre, il faudra modifier vous-même quelque peu votre coiffure actuelle et être un peu plus élégante. Je le sais, my lady. Mais Mademoiselle Carlyle est fort stricte à cet égard. Elle ne permet à ses domestiques que des serre-têtes en mousseline. Quelques coups frappés à la porte de la chambre vinrent brusquement interrompre cette conversation. Joyce alla ouvrir. C'était une servante récemment entrée au service de la maison et qu'on s'était procurée à West Lynne. Isabelle, qui prêtait l'oreille, entendit le dialogue suivant. « Milady est-elle là ?»« Oui. »« Ce sont des visites. Savez-vous qui c'est, Joyce ?»« C'est la famille Hare. » Elle est venue aussi, le croirez-vous? Son chapeau est tourné de liseron bleu et surmonté d'une plume aussi longue que le plumeau dont se sert Marthe pour épousseter les meubles. Je l'ai vu descendre de la voiture. Vous avez vu qui? Demanda Joyce avec impatience. Elle, parbleu, Mademoiselle Barbara. Dire qu'elle a osé venir ici, c'est-il croyable? Lady Isabel n'a qu'à bien se tenir sur ses gardes, et je ne réponds pas qu'elle ne lui fasse avaler du poison. Monsieur Carlyle est sorti, c'est malheureux. Car j'aurais donné tout au monde pour les voir se rencontrer tous 3. Joyce fit signe à la bavarde de se taire, puis, ayant refermé la porte, elle revint auprès de Lady Isabel, sans se douter que ce petit colloque prononcé à voix basse était parvenu à ses oreilles. C'est Suzanne qui vient d'annoncer qu'il y a du monde au salon, la famille Hare, dit Joyce en s'adressant à sa maîtresse. Lady Isabel, l'esprit plein des mystérieuses paroles qu'elle venait d'entendre, descendit à la hâte. Elle trouva le juge coiffé d'une perruque blonde toute neuve et se donnant des airs de grand seigneur. Madame Hare lui parut pleine de distinction avec ses traits effilés délicats et la pâleur de son teint. Quant à Barbara, elle la crut charmante. La visite se prolongea assez longtemps. Madame Hare fut la première à exprimer le désir de partir et Mademoiselle Carlyle, qui venait d'entrer en ce moment, voulait les faire rester encore quelques instants. Elle avait, disait-elle, quelque chose à montrer à Barbara. Le juge s'excusa en annonçant qu'il avait invité un de ses confrères à dîner et qu'il lui fallait absolument retourner sur le champ. Toutefois, il n'avait aucune objection à laisser Barbara derrière lui. Barbara devint d'un rouge écarlate. Elle accepta néanmoins l'invitation qui lui fut réitérée par Mademoiselle Carlyle de passer le reste de la journée à East Lynne. Isabelle monta dans sa chambre afin de s'apprêter pour le dîner. Joyce était là à l'attendre. « J'ai parlé à Mademoiselle Carlyle, » commença la servante. Elle constate ce que je passe à votre service, mais l'exige auparavant que je vous révèle quelques-uns des événements de ma vie passée. J'avais eu du reste, moi-même, l'intention de vous les communiquer. Mademoiselle Carlyle a ses défauts, mais elle possède assurément un caractère droit et honnête. « De quoi s'agit-il ? » demanda Isabelle tout en s'asseyant pour se faire brosser les cheveux. « Je vais, ma lady, vous conter la chose aussi brièvement que possible. Mon père était employé chez M. Carlyle. Bien entendu, je veux parler du père de votre époux. Ma mère est morte lorsque j'avais 8 ans et mon père s'est remarié plus tard. Il a épousé une sœur de la femme de M. Kane. De M. Kane, le maître de musique ? Oui, ma lady. C'était une institutrice, une personne fort distinguée par ses talents et ses manières, et l'on disait à Westline, qu'en saluant mon père, elle entrait dans une condition fort inférieure à la sienne et faisait une grosse sottise. Mon père était bel homme, instruit et laborieux, le mariage eut lieu, et au bout d'une année, Afi vint au monde. Qui ? Afi, ma sœur consanguine. Un an après, mourut sa mère, et elle fut alors adoptée et élevée par une tante. Je restais, moi, à la maison avec mon père. On m'envoya à l'école, et quand je fus plus grande, l'on me fit apprendre à coudre et à faire des chapeaux. Nous vivions dans une délicieuse chaumière située dans la forêt, et qui appartenait à mon père. Quand j'eus terminé mon apprentissage, j'allais travailler la journée dans de grandes maisons, et le soir et le matin, je préparais tout ce dont pouvait avoir besoin mon père, car notre femme de ménage ne venait chaque jour que quelques heures seulement. Elle ne s'occupait que de la grosse besogne. Les choses marchèrent ainsi pendant bien des années, puis Afi revint à la maison. La tante était morte. Afi avait reçu une éducation soignée, elle avait des idées de luxe, s'habillait toujours dans le dernier goût, était jolie, vive et coquette, et passait tout son temps à lire des romans qu'elle se procurait au cabinet de lecture de Westline. Mon père était dans la désolation et ne savait que faire, car accoutumé comme nous l'étions à une existence de travail humble et modeste, nous ne pouvions encourager Afi à se donner ainsi les airs d'une grande dame. Plus d'une fois, elle et moi, nous eûmes des démêlés ensemble, surtout au sujet de sa toilette. Elle fit la connaissance du jeune Richard Hare. Lady Isabelle releva vivement la tête. Le fils unique du juge Hare, le frère de Mademoiselle Barbara, continua Joyce en baissant la voix comme si elle craignait d'être entendue de Barbara, qui était au salon. Oh, elle était d'une légèreté impardonnable. Elle prit plaisir à encourager le jeune homme, qui bientôt en devint éperdument amoureux. Mais Afi se moquait de lui, dès qu'il tournait le dos. Elle en encouragea bien d'autres encore, et les invita à venir lui rendre visite le soir, alors que la maison était libre. Elle avait donc beaucoup d'adorateurs, fit nonchalamment Lady Isabelle, qui ne semblait pas s'intéresser vivement à cette histoire. Le plus assidu, milady, c'était Richard Hare. Il y en avait un autre, un étranger, qui venait d'assez loin à cheval pour la voir, mais je ne pense pas qu'il y eût rien de sérieux chez lui. Richard Hare était assurément le plus fervent et le plus passionné. Les entrevues se continuèrent jusqu'au moment où il tua mon père. « Comment ? Qui cela ?» s'écria Lady Isabelle, saisie d'épouvante. « Richard Hare, madame. Mon père avait strictement défendu à Afi de recevoir M. Richard, car lorsque des jeunes gens vont ainsi en cachette visiter de pauvres jeunes filles, ce n'est pas ordinairement pour le bon motif. » Mais un jour qu'il traversait Westline, il surprit quelques personnes qui causaient à mi-voix et qui accouplaient, d'une manière insultante, les deux noms de Richard et d'Afi. De retour chez lui, il ordonna expressément à Afi de ne plus revoir ce jeune homme. Le lendemain au soir, mon père mourait assassiné par Richard Hare. C'est horrible ! Que ce crime ait été prémédité ou que le fusil soit parti durant la lutte qui dut avoir lieu avant le meurtre, c'est là ce que je ne puis dire. Mais l'opinion générale est d'avis que mon père a été tué de guet-apens. Oh, ma lady, jamais je n'oublierai le spectacle qui se présenta à mes regards lorsque je rentrais ce soir-là chez nous. Je revenais de chez le juge Hare, où j'avais travaillé toute la journée. Mon père était étendu mort sur le parquet, la maison était envahie par les curieux. Afi ne pouvait donner aucun renseignement. Au moment du meurtre, elle était sortie et se promenait derrière la chaumière dans une allée de la forêt. Elle n'avait rien vu, rien entendu. Ce n'est qu'en rentrant qu'elle apprit ce qui était arrivé. M. Locksley était agenouillé près du cadavre. Il raconta à Afi comment il était accouru au bruit de la détonation et comment il avait vu Richard Hare jeter de côté le fusil et s'enfuir à toutes jambes, les pieds ensanglantés. « Oh, Joyce ! Quelle terrible histoire ! Et que devint Richard Hare ? Il s'est sauvé et il a disparu cette nuit même. Et quand tout ceci est-il arrivé ? Il y aura juste 4 ans. Au mois de septembre prochain. Depuis lors, la chaumière n'a jamais été habitée. Personne n'en veut. On prétend qu'il s'en échappe une odeur de meurtre. Je n'ai pas le droit de la vendre, car elle appartient à Afi aussi bien qu'à moi. J'y vais quelquefois pour ouvrir les fenêtres et l'aérer. C'est là tout ce que j'avais à vous dire, ma lady. » Lady Isabelle rassura la pauvre servante en lui annonçant que cette révélation ne pouvait en aucune manière changer la décision qu'elle avait prise. Puis, s'appuyant sur le dossier de sa chaise, elle demeura quelques instants silencieuse et ensevelie dans ses pensées. « My lady a-t-elle fixé son choix sur la robe qu'elle va mettre ?» demanda Joyce. « Joyce !» s'écria Isabelle, sans faire attention à la question qui venait de lui être posée. « Joyce, que signifie cette conversation que vous avez eue tout à l'heure à la porte avec Suzanne ? Il s'agit du poison que Mademoiselle R. pourrait bien me faire prendre. Il serait nécessaire, je crois, de prévenir Suzanne de ne pas parler aussi haut lorsqu'elle aura de semblables confidences à vous communiquer. » Joyce se sentit quelque peu mal à l'aise. Elle ne put toutefois s'empêcher de sourire. « Il ne faut pas faire attention à cela, ma lady, » répondit-elle. « Ce sont des niaiseries. Quelques personnes ont fait courir le bruit que Mademoiselle Barbara avait un faible pour M. Carlyle, qu'elle en était vivement éprise, et plusieurs ont cru qu'ils se marieraient ensemble. Mais je n'en crois rien. » Lady Isabelle sentit le sang lui monter à la tête, et son cœur se serra douloureusement, comme s'il venait d'être mordu par le démon de la jalousie. Il n'est pas dans la nature de la femme d'accueillir froidement et avec indifférence de telles révélations, qui le plus souvent font germer le doute en son esprit et la portent à se demander si elle possède réellement et sans partage l'amour de son mari. Lady Isabelle, sans proférer un autre mot, se rendit au salon. Elle était vêtue d'une robe de prix en dentelle noire. Le corsage, taillé de manière à mettre à nu le cou et les épaules, était ainsi que les manches, garnies de points d'Alençon d'un fini sans pareil. Elle semblait ce jour-là plus belle que jamais, et Barbara, en l'apercevant ainsi dans toute sa beauté, avec son port de reine et sa merveilleuse prestance, détourna les yeux pour ne pas laisser voir les sentiments de haine et d'envie qui lui rongeaient le sein. Barbara, de son côté, était gracieuse et séduisante dans sa robe de soie bleu clair, avec ses jolies petites joues qui frémissaient en se colorant sous l'influence de l'exaltation de son esprit. À son cou était attachée la chaîne que lui avait donnée Carlyle, pensée étrange que celle qui l'entraînait à s'emparer encore. Toutes deux se tenaient debout dans l'embrasure de la fenêtre, guettant Carlyle qui montait l'avenue. Bientôt il arriva et leur fit à chacune quelques signes de tête. Lady Isabelle ne put s'empêcher de remarquer l'émotion qu'éprouvait Barbara à l'approche de son mari. « Comment allez-vous, Barbara ?» s'écria l'avoué en pénétrant dans le salon et en s'avançant vers Mademoiselle Hare pour lui serrer la main. « Enfin, vous voilà donc. J'ai cru que vous ne viendriez jamais nous voir. Et vous, ma douce amie ?» continua Carlyle en se penchant vers sa femme. « Comment cela va-t-il ? » Isabelle s'attendait à un baiser, mais Carlyle ne lui en donna point. Le pouvait-il devant Barbara ? Non. Mais elle était d'humeur à dénaturer le sens de cette omission. Après le dîner, Mademoiselle Carlyle engagea Barbara à faire avec elle un tour dans le parc. Était-ce pour lui montrer les magnificents d'Eastline, les parterres ornés de fleurs et la serre merveilleuse toute remplie de plantes exotiques ? Nullement. C'était pour la conduire dans le potager, exciter son enthousiasme pour toutes sortes d'herbages et lui faire admirer les plants d'asperges et les semis de concombres. Barbara en eut bientôt assez. Elle aurait préféré rester auprès de lui. Elle comprenait, il est vrai, que cet homme, étant maintenant le mari d'une autre, elle n'avait nul droit d'entretenir de pareilles pensées, mais son cœur s'obstinait à battre encore pour lui. « Et comment l'aimez-vous ? » demanda tout à coup Barbara, qui, par un détour ingénieux, venait de trouver moyen de parler d'Isabelle. « Mais beaucoup plus que je ne l'avais espéré, » fit Mademoiselle Carlyle. « Je m'étais tout d'abord figuré que c'était une femme à prétention, qui allait faire la coquette et se donner de grands airs. Loin de là, elle est simple et aimable et me paraît entièrement absorbée en son mari. Sans lui, elle est triste et rêveuse, et je la vois chaque jour guetter l'arrivée d'Archibald avec la même persistance que met un chat à épier une souris. » Barbara, qui passait en ce moment près d'une touffe d'arbrisseaux, se pencha pour y cueillir une rose qu'elle se mit à effeuiller en silence. « C'est triste, » reprit-elle subitement. « Et comment emploie-t-elle son temps ?»« À ne rien faire, » répliqua Mademoiselle Cornélie d'un ton hargneux. « Elle chante un peu, elle joue un peu, elle lit un peu, elle reçoit quelques visites, et c'est ainsi qu'elle passe ses journées. Elle agace son mari, après le déjeuner, lui fait mille câlineries, et lui, comme un benêt, se laisse embabouiner de la sorte, ce qui le met toujours en retard pour ses affaires. Elle l'accompagne chaque matin jusqu'à la grille du parc, et il n'arrive jamais à son étude à l'heure où il devrait y être. Un matin, il pleuvait à verse, ce ne l'a pas empêché de l'escorter comme d'habitude. Je lui fais observer qu'elle allait gâter sa robe. « Ah ben oui, comme si j'avais chanté. Elle est partie quand même. Gâter une robe est pour elle une considération tout à fait secondaire. Le soir, elle va à sa rencontre. Elle y serait allée aujourd'hui, n'était que vous dîniez ici. Quant à lui, il ne voit plus qu'elle en ce monde. Il néglige d'une manière déplorable toutes ses affaires. C'est assez naturel, fit Barbara en affectant un air d'indifférence. Assez naturel, reprit Cornélie avec aigreur. Dites plutôt assez absurde. Je ne les accommode guère du reste. Et le soir surtout, il se passe généralement de ma société. Ils sortent ensemble et vont faire une promenade. Ou bien, s'il reste à la maison, elle lui chante quelques romances. Tandis qu'il se tient là, tout quoi devant elle, et la contemple comme si de sa bouche allait rouler des pépites d'or. À vrai dire, je crois qu'il la préfère à toutes les richesses de ce monde. Hier, ils sont allés rendre quelques visites dans une calèche attelée de chevaux de poste. Ils ne sont rentrés que fort tard, vers 7 heures, après m'avoir fait attendre tout ce temps pour le dîner. Le repas terminé, Archibald s'est plaint d'un violent mal de tête. Il s'est retiré dans la chambre à côté pour s'étendre sur le canapé. Isabelle s'est empressée de lui porter du thé, laissant elle-même sa propre tasse se refroidir sur la table. J'entrouvris la porte pour l'inviter à revenir. Et croiriez-vous que j'aperçus alors madame agenouillée auprès de son auguste époux et lui promenant sur le front, sur les tempes, sur les narines, un mouchoir de batiste imbibé d'eau de Cologne? Je vous le demande, y a-t-il le bon sens à dorloter ainsi un homme? Je m'y prenais autrement, moi, du temps où il avait de tels accès avant son mariage. Je lui faisais avaler un gros de séné mélangé à une assez forte dose de sulfate de soude, puis je l'envoyais se coucher de bonne heure, et le lendemain, il se levait frais et dispo. À ce point de son récit, Mademoiselle Carlyle s'arrêta pour apostropher le jardinier d'Islaine et le réprimander vertement de ce qu'il n'avait pas exécuté certains ordres qu'elle lui avait donnés. Barbara, se sentant quelque peu fatiguée et pensant que la discussion pourrait se prolonger, laissa Mademoiselle Carlyle se chamailler avec cet homme et entra seule à la maison. En arrivant dans la pièce qui se trouvait à côté du salon, elle s'arrêta un moment. Puis elle entrevrit doucement la porte de communication entre les deux chambres et regarda. Le soleil était sur son déclin, mais malgré la clarté douteuse qui régnait alors, elle put apercevoir assez distinctement Lady Isabelle assise au piano et Carlyle debout derrière elle. Isabelle chantait, elle chantait l'un des airs de la bohémienne. « Pourquoi aimez-vous tant cette romance, Archibald ? » fit-elle, lorsqu'elle eut achevé. « Je ne sais pas. C'est votre voix qui m'en a rendu aussi enthousiaste. Votre sœur est peut-être de retour. Voulez-vous que nous allions dans l'autre pièce ? Tout à l'heure. Laissez-moi vous entendre chanter une fois encore ces couplets traduits de l'allemand. Selon moi, c'est tout ce qu'il y a de plus mélodieux. Vous avez raison. Savez-vous, Archibald, que mon père avait le même goût que vous ? Comme vous, il aimait en musique ce qui est expressif et sentimental. » D'une voix douce et languissante, elle chanta la romance que lui avait signalée Carlyle, et bientôt les derniers accords de l'accompagnement s'éteignirent en vibrations harmonieuses et suaves. « Il me semble que vous devez être satisfait, Archibald. Je vous ai chanté plus de 10 romans ce soir, » fit-elle en se penchant en arrière et en portant sur lui ses yeux pleins d'amour. « Je mérite une récompense. »« C'est juste, et la voici, » murmura-t-il en s'emparant de sa jolie tête et en la couvrant de baisers passionnés. Barbara s'était spontanément retournée du côté de la fenêtre et avait posé son front brûlant sur l'une des vitres. Au dehors, tout était sombre, et de sa poitrine oppressée s'échappaient de sourds et douloureux gémissements. « Comment, vous êtes seule ici ? » s'écria Isabelle, qui venait d'entrer, appuyée sur le bras de son mari. « Je vous croyais avec Mademoiselle Carlyle. »« Où est donc Cornélie ?» ajouta Carlyle. « J'arrive à l'instant, » répliqua Barbara. « Je crois qu'elle sera ici dans un moment. » À peine eut-elle achevé ces mots que Mademoiselle Carlyle fit son apparition en proie à l'agitation la plus violente. « Archibald ! » s'écria-t-elle avec colère. « Que signifie cet ordre que vous avez donné à propos des géraniums ?»« Blaise vient de m'apprendre que vous lui avez dit d'en faire une plantation ovale. Il avait été décidé cependant que l'on en ferait un carré. » « Isabelle préfère cette forme à l'autre. Mais je désire, moi, qu'on en fasse un carré. »« N'importe, Cornélie, j'ai donné mes ordres aux jardiniers, il faut qu'ils les suivent. » « Ce Blaise est un imbécile. Il est obstiné comme une mule. »« Je ne puis partager votre opinion, Cornélie. Je le crois un honnête et fidèle serviteur. »« Cela va sans dire, » répondit durement Mademoiselle Carlyle. « Vous ne vous apercevez jamais des défauts des autres, et sous certains rapports, vous avez toujours été bien benêt. » Carlyle ne crut pas devoir faire attention à cette sortie. Il avait un caractère doux et conciliant, et depuis longtemps déjà, il était habitué aux compliments plus ou moins bien troussés de sa sœur. Isabelle, cependant, qui de jour en jour se sentait plus attachée à son mari, ne l'entendait jamais attaquer de la sorte sans en éprouver un douloureux serrement de cœur. La soirée se passa sans autre incident, et lorsque la pendule sonne à 10 heures, Mademoiselle Herr se leva subitement. « J'ignorais qu'il fût si tard, dit-elle. Quelqu'un a dû venir me chercher. »« Je vais m'en informer, dit Lady Isabelle. » Carlyle tira la sonnette, mais il n'était encore venu aucun domestique pour chercher Mademoiselle Herr. « Alors Pierre me reconduira. Ma mère est sans doute couchée, mon père m'aura oublié. Je ne désire pas passer la nuit dehors ou trouver la porte fermée. »« Comme vous l'avez déjà trouvé un soir, » interjeta Carlyle d'un ton de voix significatif. Il faisait allusion à cette soirée où Barbara était en tête-à-tête avec son frère derrière les arbres du jardin et où M. Herr avait été sur le point de l'enfermer dehors. Elle avait raconté cet événement à Carlyle, mais le souvenir maintenant lui en était pénible, et tous les linéaments de son visage se contractèrent sous l'impression qu'elle venait d'éprouver. « Archibald !» s'écria-t-elle en suivant les impulsions de son cœur. « Archibald, je vous en supplie, ne me rappelez point le passé. » Isabelle en était tout ébahie. « Pierre peut-il venir avec moi ?» reprit Barbara. « Non, il se fait tard, et j'aime mieux vous accompagner moi-même, » répondit Carlyle. Le cœur de Barbara se mit à battre violemment. Il battit avec plus de force encore, ce pauvre cœur torturé, lorsqu'elle quitta la maison et que Carlyle lui offrit son bras. Pour elle, c'était renaître à la vie, au bonheur, que de se trouver de nouveau seule avec cet homme, car dans sa joie enfantine et naïve, elle oubliait qu'il ne s'appartenait plus. La soirée était belle et chaude, bien qu'obscure. Tous deux descendirent le parc en silence, traversèrent la route, et pénétrant dans un enclos, ils arrivèrent devant une haie morte, formée d'arbustes épineux. De l'autre côté de cette clôture se trouvait un sentier qui traversait un champ de luzerne et qui aboutissait à la propriété du juge. Barbara y fit halte. « Traverserons-nous la prairie ? » demanda Carlyle. « L'herbe me semble humide, et d'ailleurs c'est le chemin le plus long. Oui, mais nous éviterons ainsi la poussière de la route. »« C'est bon, » fit l'avoué. « Quelques minutes de plus ou de moins, cela ne fait pas grande différence. » »« Il voudra déjà être de retour auprès d'elle, » pensa silencieusement Mademoiselle Herr. « Il en brûle d'impatience. » « Oh, mon cœur, tais-toi, ou tu vas éclater !» Carlyle enjamba la haie et aida ensuite Barbara à sauter par-dessus, puis il lui offrit de nouveau son bras. Il tenait à la main l'ombrelle de la jeune fille comme il l'avait tenue déjà par une autre nuit. C'était une ombrelle élégante et gracieuse, recouverte de soie bleue et garnie de dentelle, et il ne s'en servait pas pour battre les buissons, comme il l'avait fait quelques mois auparavant. Barbara ne pouvait s'empêcher de songer à cette autre soirée où tous deux avaient parcouru à peu près le même chemin, et toutes les paroles qu'il avait prononcées, toutes les espérances chimériques dont elle s'était bercée alors, envahirent subitement son cœur. Dans la vie, il y a des moments où la femme se laisse volontiers entraîner à oublier les plus simples règles de la bienséance, où elle abdique toute sa dignité. Le cas est rare peut-être, mais il n'en existe pas moins. Ce n'est pas, assurément, chez les natures froides et réservées, qu'il nous faut en chercher des exemples, mais parmi ces natures enthousiastes et généreuses qui sont facilement impressionnées et ignorent l'art de feindre. Telle était la nature de Barbara. L'amour qu'elle éprouvait encore pour Carlyle, la jalousie qui lui rongeait le sein depuis qu'elle avait appris la nouvelle du mariage, le sentiment de honte et de mortification qu'elle ressentait au souvenir des illusions qu'elle s'était follement créées, tout cela fermentait sourdement en son âme et faisait bouillonner de dépit et de rage le sang de ses veines. Ce dont elle venait d'être témoin ce soir même, ce bonheur à deux qu'elle venait de contempler, ces attentions délicates et tendres dont Carlyle ne cessait d'entourer Isabelle, tout enfin avait contribué à porter à un plus haut degré d'intensité l'excitation de son cerveau. En un mot, elle était en proie à une sensibilité excessive, et elle en était venue à ce point où l'on n'est plus maître de soi, où l'on n'a plus conscience de ses actes ni de ses paroles. Elle avait concentré toutes ses affections sur Carlyle, et sans lui, le monde pour elle n'était plus qu'un vaste désert. Si la pauvre fille avait eu un peu plus d'empire sur elle-même, jamais elle n'aurait laissé échapper les paroles qu'elle allait prononcer, ces paroles qui devaient bourdonner sans cesse à ses oreilles, comme de pénibles réminiscences, et qui, plus d'une fois, devaient faire monter le rouge à son front virginal. Comme excuse, si toutefois l'excuse est possible en pareil cas, il est bon de se rappeler qu'elle connaissait Carlyle depuis longtemps, qu'ils avaient eu ensemble des rapports constants et qu'une liaison étroite et très intime existait entre les deux familles. Carlyle, sans interrompre sa marche, continuait sa conversation qui roulait sur une multitude de questions indifférentes. Il ne se doutait guère assurément qu'un orage s'accumulait sur sa tête et que cet orage était si près d'éclater. « Barbara, fit l'avoué, votre père a-t-il fait couper ses foins ?» Barbara ne répondit point. Elle semblait en proie à une lutte intérieure, on eût dit qu'elle s'efforçait de dompter ses passions. Carlyle reprit. « Je viens de vous demander, Barbara, si chez vous la fenaison a eu lieu. » Barbara demeurait muette. Il lui était impossible de répondre. Une sorte de spasme convulsif s'était emparé de ses lèvres et des muscles de sa gorge, et bientôt, de sa poitrine oppressée, s'échappa un douloureux sanglot. « Qu'avez-vous ? S'écria Carlyle. Êtes-vous malade ?» Impossible à elle de se contenir davantage. Ses nerfs étaient tendus, les battements de son cœur l'étouffaient. Une bave écumeuse humectait sa bouche. Carlyle l'entraîna près d'une haie, et là, soutenue par son bras, elle put se reposer. Une vieille bâche et deux petits veaux qui paissaient en cet endroit s'arrêtèrent et fixèrent sur eux leurs grands yeux étonnés, comme pour se rendre compte de ce qui se passait. Barbara s'efforçait avec courage de maîtriser son agitation. Elle parvint peu à peu à arrêter ses sanglots, mais elle ne put dompter aussi subitement sa colère et son irritation nerveuse. Elle se dégagea des bras de Carlyle et s'appuya sur les ronces et les épines qui formaient la haie. Carlyle eut l'idée de courir chercher un peu d'eau dans la mare à côté, mais il n'avait rien pour la puiser, si ce n'est son chapeau. « Vous sentez-vous mieux, Barbara ? Quelle a pu être la cause de cet accès ?»« Quelle a pu en être la cause ?» réitéra la jeune fille avec vivacité et en donnant un libre cours aux émotions qui la torturaient. « Vous osez me le demander ?» Carlyle ne savait au juste quelle contenance faire. Il ignorait encore ce dont il s'agissait, et cependant, par un de ces mouvements intérieurs dont on ne connaît pas soi-même la raison, par un de ces pressentiments secrets du cœur, la vérité, la triste et fatale vérité, se fit confusément jour en son esprit. « Je ne vous comprends pas, Barbara. S'il m'est arrivé de vous offenser, c'est bien involontairement, et j'en suis au regret. »« Ah oui, au regret, n'est-ce pas ?» balbutia-t-elle d'une voix saccadée, tandis que de nouveaux sanglots soulevaient sa poitrine. « Et que suis-je pour vous ? Si demain je viens mourir, que vous importe ? N'avez-vous pas autre femme maintenant ?»« Chut !» fit l'avoué en jetant vivement un coup d'œil autour de lui, car il craignait que si l'on venait à surprendre cette révélation, la pauvre enfant n'en fût à tout jamais compromise. « Comment chut ? » répéta Barbara dans le paroxysme de la fièvre. « Oui, vous voudrez bien pouvoir m'imposer silence. Que vous fait ma misère ? J'aimerais mieux, voyez-vous, être couché dans la tombe, Archibald Carlyle, que d'endurer l'existence que je mène depuis que j'ai appris votre mariage. J'ai tant souffert que je n'ai plus de force pour souffrir. Il ne m'est guère possible de me méprendre plus longtemps sur le sens de vos paroles. » fit Carlyle, d'un ton assez embarrassé et souhaitant dans son fort intérieur que toutes les femmes, à l'exception d'Isabelle, fussent au diable ou ailleurs. « Mais, continua-t-il, je n'ai nulle souvenance, ma chère enfant, d'avoir rien fait ou rien dit qui puisse vous autoriser à supposer que juste pour vous autre chose que de l'amitié. Et c'est vous qui osez me parler ainsi en face, continua-t-elle avec exaltation. Vous qui osez me dire que vous n'avez rien fait pour me porter à croire à votre amour, mais alors, pourquoi ces visites fréquentes à notre maison? Pourquoi vous êtes-vous attaché à mes pas comme mon ombre propre? Pourquoi enfin m'avoir fait présent de ce médaillon? Ajouta-t-elle en rejetant son châle brusquement en arrière et en montrant de ses doigts crispés la chaîne qu'elle portait à son cou. « Je vous ai aimé comme un frère aime sa sœur. Voilà tout, Barbara. Comme un frère. » répéta-t-elle d'une voix perçante et aiguë. « Ne dites pas cela. Vous vous êtes joué de moi. Vous m'avez pris mon cœur et vous m'avez ensuite délaissé. Silence, Barbara, je vous en conjure. Voyons, remettez-vous et songez à ce que vous dites. Si par mes paroles ou mes actions, j'ai pu contribuer à vous faire penser que je vous aimais d'amour, j'en suis au désespoir et j'implore votre pardon. » Déjà, elle était redevenue plus calme. Une sorte de stupeur avait fait place à cette surexcitation maladive qui tenait du délire. Son œil était fixe et hagard, son visage pâle. « Si vous ne m'aimiez pas, reprit-elle tranquillement, vous n'auriez pas dû me donner des marques d'amour. Pourquoi m'avez-vous un jour embrassé ? Je vous ai embrassé, Barbara, comme l'on embrasse une sœur ou même une jolie fille. Chez nous autres hommes, c'est souvent une manie. D'ailleurs, notre longue amitié m'autorisait, en quelque sorte, à jouir de certains privilèges que d'autres. Assez !» interrompit-elle brusquement. Il est évident que si c'était un étranger qui eût ainsi gagné mon cœur, et que cet étranger m'eût ensuite abandonné, il est évident, dis-je, que je ne lui aurais point adressé les reproches que je vous adresse aujourd'hui. Non, j'aurais préféré mourir plutôt que de m'exposer de la sorte. M'auriez-vous aimé si elle ne fût venue se placer entre nous ? De grâce, laissons là ce sujet, répliqua Carlyle, qui, quelque peu impatienté, eût volontiers pris à lavage d'emmener Barbara sur son dos. Je vous demande si vous m'eussiez aimé, persista la jeune fille, en passant son mouchoir sur ses lèvres humides et blêmes. Et que voulez-vous que je réponde à une telle question ? Est-ce raisonnable, voyons ? Je vous l'ai déjà dit, j'avais pour vous l'attachement d'un frère, d'un ami. Oh, mes souffrances eussent été moindres, murmura-t-elle, si dans Westlyle on avait tant jasé sur notre compte. Tout le monde s'était figuré que je serais votre femme, et je suis maintenant la risée de tout le monde. Que ne suis-je morte, mon Dieu ? Allons, du courage et du calme. Oublions tous les deux la scène qui vient d'avoir lieu, et redevenons frères et sœurs comme par le passé. Croyez-en ma parole, Barbara, ajouta-t-il d'une voix émue et sincère. La confidence que vous venez de me faire ne modifie en rien l'estime et le respect que j'ai toujours éprouvé pour vous. Il fit un mouvement, comme si elle allait enjamber la haie. Mais voyant que Barbara ne bougeait point, il revint auprès d'elle. De grosses larmes ruisselaient en silence le long de ses joues. Est-ce vous, mademoiselle ? S'écria tout à coup quelqu'un de l'autre côté de l'enclos. Barbara bondit comme si elle eût entendu la détonation d'un fusil. La personne qui venait de l'apostropher ainsi n'était autre que Wilson, sa domestique. Y avait-il longtemps qu'elle était là ? Nous l'ignorons. Toujours est-il que cette servante expliqua qu'elle avait été renvoyée à la recherche de mademoiselle Barbara par Madame Hare, qui ne savait que penser de son absence prolongée et qui déjà même avait dit à Jasper, le portier, d'aller à sa rencontre dans une autre direction. « Il est inutile que vous veniez plus loin, » fit Barbara à voix basse et en s'adressant à Carlyle. « Je vous conduirai jusqu'à la maison, » répondit-il, et lui offrit le bras. Ils marchèrent sans parler. Arrivé devant la grille d'entrée, Wilson les laissa seuls et prit les devants. Carlyle saisit alors dans les siens les deux mains de la jeune fille. « Allons, bonsoir, Barbara. Dieu vous bénisse. » Elle avait eu le temps de se remettre et de réfléchir sur sa singulière conduite. L'inconvenance de la scène à laquelle elle avait donné naissance, l'aveu qu'elle venait de faire, les propos qu'elle avait tenus, tout cela l'humiliait à présent et la remplissait de honte. Carlyle s'en aperçut à la pâleur de son visage et à son attitude pleine de contrition. « J'étais folle, soupira-t-elle, il faut que je l'étais pour vous parler de la sorte. Oubliez tout. Je vous l'ai promis. Vous me promettez aussi de n'en rien dire à votre femme, Barbara. Merci. Adieu. Barbara, fit alors Carlyle en lui serrant fortement la main. Barbara, j'espère que bientôt vous trouverez un cœur plus digne que le mien de recevoir votre amour. Jamais, interrompit-elle avec chaleur, jamais. Quand on aime comme j'ai aimé, c'est pour la vie. Plus tard, quand je serai vieille, vous me retrouverez la même. Je serai encore Barbara Hare. Carlyle s'en alla tout rêveur. Ce qu'il venait d'entendre ne pouvait le laisser indifférent et froid. Il en souffrait. Et cependant, cela flattait quelque peu aussi sa vanité. Il aimait Barbara, il l'aimait à sa manière, non pas comme il aimait sa femme. Il interrogea sa conscience et se demanda si, véritablement, il avait pu contribuer à lui faire penser qu'il éprouvait pour elle autre chose que de l'amitié. Et il en vint à cette conclusion que, sans aucun doute, il aurait pu se montrer un peu plus réservé vis-à-vis d'elle. « Je souhaite, se dit-il en lui-même, je souhaite qu'elle trouve bientôt à se marier et qu'elle m'oublie. Quant à vivre et à mourir, Barbara Hare, c'est là une de ces boutades, une de ces fantaisies qu'affectionnent les jeunes filles, qui aiment à se poser à faire du sentiment. Archibald ?» Cette brusque exclamation qu'il le rappelait à lui-même venait d'être articulée par une ombre obscure qui se tenait sous l'un des arbres du parc, tout près de la maison. « Est-ce vous, Isabelle ?» s'écria Carlyle. « Oui, mon ami, je suis venu à votre rencontre. Vous avez été bien longtemps. »« C'est vrai, » fit-il en attirant à lui sa femme et en la prenant par le bras. « Nous avons rencontré l'une des servantes, mais j'ai cru devoir escorter Barbara jusqu'à sa demeure. Il y a longtemps que vous connaissez sa famille ?»« Oh oui, Cornélie est même une de leurs parentes. » « La trouvez-vous jolie, mademoiselle Hare ?»« Certainement. » « Mais alors, intime comme vous l'étiez avec elle, je m'étonne que vous n'en soyez point devenu amoureux. » Carla ne put s'empêcher de sourire. Après la scène qui venait de se passer, cela était assez naturel. « Voyons, Archibald, » reprit Lady Isabelle d'un ton de voix plein d'émotion. « Voyons quoi ?» répliqua l'avoué avec étonnement. « N'avez-vous jamais aimé Barbara Hare ? Vous êtes folle ? Je n'ai aimé qu'une seule fois dans ma vie, et cette fois j'ai fait de vous ma femme adorée. »